Donc on va passer à l'intervention suivante, qui n'est pas avec un intervenant, qui est de la boîte à questions. Donc en fait, chacun de vous, potentiellement, a déposé des questions dans la boîte. D'ailleurs, si vous avez une question que vous vous posez et que vous voulez soumettre à l'auditoire, vous la notez sur un petit papier de manière anonyme, on la met dans la boîte et on y répond tous ensemble quand il y a des créneaux qui est boîte à questions comme aujourd'hui ou le samedi le plus souvent à 16h. Donc on va commencer tout de suite. Alors, si quelqu'un veut piocher une question... Si, vous pouvez. La question, en fait, celle-là, elle est un peu particulière. On peut lire le titre déjà. Alors, l'intelligence humaine peut-elle nous sauver ? À la pluie, Confucius, Platon, qui d'autre ? Fidel Castro et Sohan. Voilà, parce que la personne qui a posé la question a mis un énorme texte. Alors, si vous voulez, je peux le lire. Ou alors, on propose la question juste à partir du titre qui est donc « L'intelligence humaine peut-elle nous sauver ?» Donc, avec différents points historiques, apparemment. Je ne sais pas si vous voulez qu'on lise le texte. On lit le texte ? Je lis le texte, alors. Sauf si quelqu'un, voilà. Ok. Je pense que la question, en fait, c'est... on demande l'intelligence humaine peut-elle sauver les gens et tout. Mais il faudrait déjà définir un peu ce qui ressort de l'intelligence humaine. Parce que c'est subjectif. Chacun a son intelligence et chacun pense différemment. Donc il faudrait pouvoir définir ça, quoi. Peut-être qu'il le fait dans le texte. Je ne l'ai pas lu. Non. Est-ce que vous voulez que je lise le texte pour traiter ? Bah, si vous voulez qu'on lise le texte, faites comme ça. Si vous voulez pas lire le texte, faites comme ça. Bon, ok. On ne lit pas. Je laisse le texte à disposition. Donc, si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Oui, bonsoir. Bonjour plutôt, bonsoir. Donc pour répondre un peu sur ça et placer ça dans le contexte actuel par rapport à tout ce qu'on veut, par rapport au changement de système, etc. Est-ce que l'intelligence peut-elle vraiment nous sauver ? Je ne pense pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est un énorme ras-le-bol. Je pense un peu que par rapport à tout ce qui se passe, je parle en tant que jeune, je parle en pensant un peu à mes amis, etc. Je pense que le ras-le-bol n'est pas encore général, n'a atteint un certain point pour nous pousser à vraiment... faire quelque chose tous ensemble pour montrer que le peuple veut que ce système-là change. Moi, je viens du Maroc à la base. Je suis juste là pour faire mes études. C'est ma quatrième année ici à Paris. Quand j'étais au Maroc, je faisais partie d'un petit mouvement qui s'appelle le Mouvement 20 février. Donc, on voulait un peu que le système politique change, etc. Bon, ça n'a pas trop eu lieu. Mais quand on compare ça un peu avec la Tunisie, etc., la Tunisie ou l'Égypte qui ont en quelque sorte changé de système... Oui, ils l'ont fait en quelque sorte. Ben, il y a eu un vrai ras-le-bol au niveau de toute la société. Tout le monde a décidé de sortir un jour. Et c'est la société en entier qui a décidé de changer. Donc ça, par exemple, ça me pousse à penser que ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de quelqu'un qui représente, non. Si on veut vraiment changer de système, il y aura pas représenté. Ça doit être tout le monde ensemble qui doit sortir, tout le monde qui doit tout changer d'un seul coup. Ça doit être vraiment un gros ras-le-bol. On n'a pas encore. On peut aussi voir un peu ce qui s'est passé, par exemple, avec les jeunes en Espagne ou les jeunes en Grèce. Eux, ils en avaient marre. Eux, ils en pouvaient vraiment plus. Ils en pouvaient tellement plus qu'ils sont sortis. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. Nous, on n'a pas encore atteint ce stade-là. Donc, pour moi, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de conscience politique, pas du tout. On peut limite un peu regrouper ça en trois types de jeunes. Les jeunes qui s'en foutent complètement, ceux qui ont une certaine conscience politique à travers tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont appris à travers leur famille, etc., qui ont eu cette chance-là, qui n'est pas donnée à tout le monde, et d'autres qui sont tellement dans la merde qu'à un moment donné, ils se disent « Bon, ben, j'en ai marre et je vais sortir. » Et ils sont pas assez. Malheureusement, ils sont pas assez. Donc voilà, sur ce ballon qui tombe du ciel, je cède la parole. Donc voilà, merci. J'ai une question. Qu'est-ce que ce serait concrètement pour vous, le ras-le-bol? Est-ce que c'est une insurrection où tout le monde tape sur tout le monde? C'est quoi le ras-le-bol? Non, le ras-le-bol, c'est pas bien évidemment, c'est pas que tout le monde tape sur tout le monde, bien évidemment, non, jamais. Mais c'est plus un mouvement, c'est plus un certain nombre de personnes qui sortent de façon spontanée et qui ne s'arrêtent pas pendant beaucoup, beaucoup de temps jusqu'à ce que ceux qui dirigent se rendent compte que c'est le moment de changer ou sinon il y aura peut-être une insurrection générale. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Par rapport à la question, je pense que le problème dans la question, c'est en effet le mot intelligence, parce que intelligence, ça renvoie à une certaine raison qui serait là pour nous sauver, et je crois qu'on a déjà essayé d'être sauvé par la raison. C'était d'ailleurs un petit peu le pari démocratique, mais du coup, démocratie renvoie à parti, donc ça marche pas trop. Et il me semble que peut-être, plutôt que de penser que ce serait l'intelligence qui pourrait nous sauver, on pourrait plutôt penser, je sais pas, ce qui relie les gens les uns entre les autres, les uns aux autres, j'ai du mal à l'exprimer, ce qui relie les personnes les unes aux autres, et c'est certainement pas l'intelligence qui relie les gens entre eux, c'est des choses comme la sympathie, l'agressivité aussi, le conflit, enfin voilà, peut-être plus du côté des sentiments que de l'intelligence, peut-être que ça pourrait, si on les prenait en compte et qu'on essayait de les gérer collectivement, ça pourrait peut-être plutôt sauver les hommes que l'intelligence. Moi ce que je pense aussi, c'est que c'est pas l'intelligence qui peut nous sauver. Je pense que c'est plutôt la capacité à se faire une idée soi-même de la vie, de ce qu'on pense. C'est pas l'histoire de pas avoir de maître à penser ou quoi, mais ne pas se faire manipuler. Par exemple, quand je vois qu'il y a des répressions policières, que les médias ils en parlent pas. Par contre, quand on parle des violences envers les policiers, les gens, du coup, ils savent pas parce qu'ils en entendent ils en entendent pas parler. Et je pense que savoir chercher les choses par soi-même, savoir essayer d'écouter les avis de tout le monde, etc., c'est ça qui peut potentiellement nous sauver. Quand tu parles de savoir chercher les choses par soi-même, moi c'est un petit peu ce que je définis aussi comme de l'intelligence. Parce que être intelligent, c'est pas juste savoir résoudre des équations différentielles du deuxième degré. Ça peut être aussi savoir justement penser soi-même, avoir des idées, avoir un regard critique sur les choses, sur ce qu'on apprend, avoir juste aussi envie d'apprendre, de communiquer. Enfin, c'est une certaine forme d'intelligence aussi, et c'est pas contradictoire, quoi. Alors l'intelligence, moi, c'est se confronter aussi à l'autre, mais pas simplement à l'homme de la rue. On peut aussi se confronter à la pensée d'écrivains, etc. Je veux dire, faut pas faire non plus de l'anti-intellectualisme. Bon, Pascal, il disait deux excès, exclure la raison et n'admettre que la raison. En fait, il faut de la raison. Et il faut aussi de l'intelligence émotionnelle. Si on sépare les deux, on va nulle part. C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Ça serait une intelligence qui serait nourrie de l'amour, de la compassion, de la tolérance. C'est pas du baba cool, hein. C'est pas peace and love des années 70. C'est une autre forme d'intelligence qui a été un peu théorisée par quelqu'un qui s'appelle Daniel Goleman, dont je vous renvoie à la lecture. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher hein, et à vous asseoir pour qu'on soit en petit comité. Oui, je pense que l'intelligence dont on parle quand il s'agit de résoudre des problèmes de la société, on peut dire que c'est une intelligence essentiellement collective, finalement. C'est l'intelligence qui se dégage des rapports que les gens arrivent à établir entre eux, quand ce sont des rapports de tolérance, des rapports d'ouverture et cultiver aussi. Enfin, en effet, comme dit madame, faut pas exclure la vie intellectuelle. Mais je pense qu'il faut, quand on se demande si l'intelligence humaine peut résoudre les problèmes de la société, je pense qu'il faut concevoir ça comme une création, cette intelligence comme une création collective, et pas simplement, et surtout pas l'intelligence d'un génie isolé qui va trouver la solution pour les problèmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, je relance ce que disait Aude, juste si vous voulez bien vous asseoir aussi, parce que du coup je regarde en hauteur, mais vous pourriez me dire t'as 4 mètres debout, et c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord, et justement c'est, vous avez utilisé je crois le terme de rencontre, ou alors c'est celui du coup que j'ai envie d'utiliser, mais ça peut être la rencontre autant de quelqu'un que d'un livre, que d'une pensée, enfin voilà, et c'est peut-être en effet que j'ai trop renfermé intelligence dans raison, et que c'est pour ça que je la renferme d'une certaine façon, mais du coup voilà, rencontrer quelqu'un, discuter avec lui, c'est aussi, ça peut être aussi rencontrer un livre, ça peut être aussi rencontrer un auteur, c'est... Et comme disait monsieur, et à juste titre, sans exclusive, sans panthéon. Sans panthéon. Il y a un autre truc, c'est que les gens, ils vont dire l'intelligence, mais dans tout ça, tout le monde a une part d'intelligence qui est propre à chacune, quoi. C'est la partie de la question que je comprends pas trop, en fait. C'est que comme chacun est intelligent, je vois pas comment... Enfin, c'est pas ça qui va apporter en plus ou en moins, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est le problème du terme intelligence. Comme si il y avait une intelligence humaine, alors que... Mais voilà, ça revient à ce qu'on disait au début, comment définir l'intelligence. C'est quand même quelque chose qui est un petit peu... Enfin, chacun le définit d'une façon différente. Je sais pas si quelqu'un veut se tenter à définir ce que serait pour lui ou pour elle l'intelligence. Enfin, je veux pas plomber le débat, hein, donc on peut continuer sur la question aussi. Je rappelle la question pour les gens qui seraient arrivés en cours de route, c'est l'intelligence humaine peut-elle nous sauver ? Donc je ne sais pas s'il y a encore des gens qui veulent intervenir sur cette question, ou alors on passe à une autre question. Non, je voulais juste dire que c'est quand même une question bizarre, parce que si on posait la question contraire, ce serait genre la bêtise humaine peut-elle nous sauver ? Et je pense qu'on serait à peu près d'accord pour dire que généralement la bêtise ça ne sauve pas vraiment. C'est peut-être plus un rapport avec l'intelligence artificielle, tout ça. Peut-être. Je n'ai rien à dire. Je crois que c'est une question trop ouverte pour qu'on puisse la résoudre et en débattre aussi. C'est une question trop générale, en fait. On dirait... parce qu'on peut, ergoter, enfin, gloser à l'infini sur cette question. Donc je pense que je propose, quant à moi, de changer de question. Juste parce que le terme intelligence artificielle a été utilisé, et là du coup, en transformant la question dans ce sens-là, c'est des choses qu'on entend beaucoup et qui sont en débat, dans le sens où on serait sauvé par la technique. Voilà. Et notamment par rapport aux problèmes de climat, d'environnement, ce serait pas changer nos modes de vie, mais encore ajouter de la technique pour nous sauver. Alors je sais plus, il y avait quelque chose pour recréer une couche d'ozone par la technique. Enfin, c'est plutôt que de repenser la façon dont on envisage notre propre vie, notre confort. Pour ne rien changer à ça, il faudrait rajouter encore d'autres choses par la technique, et là ce serait l'intelligence artificielle qui nous sauverait. Et bon, c'était pas la question première, mais là-dessus il y aurait aussi beaucoup à débattre sur l'intelligence artificielle comme venant sauver... Et c'est comme la question des voitures qui se conduisent toutes seules, ce serait censé sauver plus de gens, mais en même temps ça pose un vrai problème éthique, enfin... Parce que y a plus de personnes dans la voiture d'en face, du coup, et que là le conducteur est seul, c'est la voiture du conducteur qui va se scratcher et pas rentrer dans l'autre. C'est le problème de la responsabilité aussi qui est derrière. Enfin, ça nous lance sur un autre débat. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus ou si on passe à une autre question. Je voulais juste, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, si on inversait la question. Moi, en tout cas, je me dis, inverser la question, ça pourrait être aussi dire, est-ce que la bêtise peut nous abattre? Et ça, par contre, je pense que ça se passe tous les jours. Donc, je sais pas si ça aide à répondre, mais voilà. Donc, on passe à une autre question. Quelqu'un veut piocher? Ah, pourquoi ne pas engager un grand débat sur l'existence de Dieu ? Oh, c'est compliqué ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour engager un grand débat sur l'existence de Dieu ? Tournez. Et si quelqu'un veut qu'on le fasse, faites comme ça. Personne, on change de question. Possibilité de donner plus d'importance au vote blanc, si oui, comment ? Est-ce que vous êtes d'accord pour traiter cette question ? Et qui n'est pas d'accord ? Unanimité. Qui veut commencer ? Je pense que le vote blanc, ce serait bien qu'il soit, on accepte que les gens votent pour telle ou telle personne, mais je pense que le vote blanc, c'est aussi une chose à accepter. Parce que, les gens, après, s'ils vont pas voter, parce qu'ils n'ont pas envie ou pour faire du boycott actif, comme on parlait tout à l'heure. Le souci, c'est que comme leur vote ou leur non-vote, justement, il n'est pas pris en compte. Du coup, la majorité n'est pas vraiment exprimée, puisque les gens, ils n'ont pas voté ou leur vote est tu, quoi, littéralement. Et du coup, ça rejoint le problème qu'on parlait de choisir quelqu'un, pour nous représenter. Si les gens, si par exemple la moitié de la population n'a pas voté ou a voté blanc, et que les gens qui ont voté blanc sont considérés comme des non-votants, finalement, ça pose problème. Parce que la personne qui est élue, c'est pas forcément la personne qui aurait voulu la personne que les gens auraient voulu avoir en tête du gouvernement. Et j'ai l'impression de tourner en rond là. Qu'est-ce que je peux faire ? S'il y a quelqu'un qui peut... Finalement, est-ce que vous n'avez pas donné une réponse ? La réponse que j'ai entendue, en tout cas, c'est de dire, c'est bien de s'abstenir, sauf que c'est pas représentatif, c'est pas parce que les gens se sont abstenus qu'ils ont forcément changé quelque chose à la situation, quoi. C'est une façon de ne pas répondre. Pas forcément une façon de ne pas répondre. Je pense que ceux qui votent blanc sont un peu agacés avec ceux qui se représentent. Le problème que l'on a à l'heure actuelle, que ce soit ici à Nuit Debout ou Convergence des Luttes ou quel que soit le parti, y a-t-il quelqu'un de capable d'assumer ses responsabilités en tant que politicien digne de ce nom de diriger ce pays ? Là est toute la question. Et tant qu'on sera oppressé par un système financier qu'il y a à l'heure actuelle en France et dans d'autres pays qui oppressent les opinions et les directives qui sont à prendre et qui sont prises, sont pas prises en toute âme et conscience, mais surtout en fonction du domaine financier et tout ça, quoi. Oui, mais répondre, c'est prendre la responsabilité de sa parole. Ne pas répondre, c'est une réaction à quelque chose qui ne convient pas. Moi, je préférerais imaginer quelle forme de réponse on pourrait donner à cette situation là qu'on considère aujourd'hui, qui est les politiques ne sont plus en mesure d'assurer le pouvoir. Pour par rapport au vote blanc. Je pense qu'à la base, le vote blanc, en fait, il est plus là pour appuyer la démocratie en tant que telle et pour représenter ceux qui ne sont pas d'accord et ne veulent voter ni ici ni ici. Sauf que c'est pas du tout. Ça pourrait être une arme pour le peuple pour bien montrer que voilà, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être représenté de cette façon-là. Mais il suffit de voir le nombre de personnes qui votent. Il n'y a pas 100% de personnes qui votent, ce qui fait que le vote blanc n'a plus aucune valeur au final. Donc, vote blanc ou non, on dirait que c'est une farce, en fait. C'est juste pour montrer, oui, vous pouvez voter blanc, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc, je voulais juste te dire ça. Bonjour. Alors, voilà, je ne suis pas très engagée en politique, mais j'ai remarqué que souvent, les gens ils disent « Ouais, il ne faut pas voter, patin, couffin, c'est une arnaque. » Et moi, je ne suis pas d'accord, quoi. Je pense que si tout le monde y votait, ça ferait comme un sondage. Et ouais, tout le monde y devrait voter, ça ferait comme un sondage et on n'en serait pas là, quoi. Les gens, ils n'arrêtent pas de dire « Ouais, non, votez pas », et après, ils s'étonnent. Et ben non. Et si votez parti, genre NPA ou FO ou je sais pas, des partis un peu communistes, un petit peu extrême gauche et tout, et bien l'extrême gauche elle aurait genre peut-être pas la majorité, mais elle serait genre à 30%, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'extrême gauche. Enfin, moi depuis toute jeune j'entends les gens dire ouais le système c'est pourri et tout ça, et du coup genre il serait à 30%, et genre après ils pourraient faire passer leurs idées sans aller jusqu'à avoir le pouvoir, ce qui serait peut-être un petit peu extrême, parce qu'en vérité moi je doute qu'ils soient en capacité à l'heure actuelle d'avoir le pouvoir. Et voilà quoi, c'est juste pour dire que mon incompréhension par rapport à cette espèce de propagande, ouais je vote pas, faut pas voter, votez pas, non, moi personnellement je comprends pas et je trouve ça un peu stupide, quoi. Et c'est un peu pour ça qu'on en est là, quoi. Parce que les gens ils votent selon leur peur, en fait. Ils votent contre, ils votent, voilà, ils votent selon leur peur, selon le maquillage, ils votent pas selon leurs idées, quoi. Ils votent que PS, je sais pas quoi là, comment ils s'appellent, RPR là et FN. Non, les républicains ça a changé. Et voilà, ils votent jamais selon leurs idées. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que souvent, il y a des gens qui votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Il y a aussi beaucoup de gens qui votent pas parce qu'ils ont l'impression que la politique ne les concerne pas. Ça, c'est aussi certainement le problème du système français qui ne favorise pas assez la politisation des gens. Enfin voilà, les gens se sentent passifs de toute façon parce qu'une fois qu'ils ont voté, bah, après, ils sont plus actifs. Et. Du coup, ce geste en lui-même perd toute sa, j'allais dire, saveur, plutôt valeur, mais on ne sait pas, ça peut être savoureux pour certains. Par rapport au vote blanc, moi, du coup, la question que j'aurais envie de poser, c'est, et s'il y avait plus de 50% de personnes qui votaient blanc, alors qu'est-ce qui se passerait, du coup? C'est-à-dire, qui serait élu à ce moment-là? Est-ce qu'on pourrait considérer que la personne qui est élue, ne serait pas représentative, parce que 50% auraient voté finalement, contre elle d'une certaine façon en votant blanc? Donc il me semble que c'est important que ce soit reconnu, mais du coup sur quoi pourrait déboucher le fait que 50% de personnes par exemple votent blanc? Ben non, parce que ça sera la partie un mois après, ça serait la partie qui serait la plus représentée au niveau nominatif. Qu'il y ait plus de votes blancs que de votes attitrés à quelqu'un, je pense que même s'il y a 50% de votes blancs, 30 d'un côté, 20 de l'autre, ça sera les 30 qui sont partie prenante parce qu'elles sont représentées, alors que les votes blancs ne sont pas représentés et ne sont pas pris en compte. Et là, c'est là que le bât blesse. Et ça, je pense que c'est depuis que le suffrage universel est mis en place. S'il y avait simplement un suffrage populaire, là où ça serait représenté, ou même des votes blancs qui soient des votes contestataires, là, dans ces cas-là, c'est qu'il y a un problème. C'est que les gens ne savent pas pour qui voter ou ne sont peut-être pas d'accord avec les personnes qui se représentent. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, sur la question du vote blanc, et pour répondre, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que... ni avec Adèle. Parce que... la question de l'exemple donné, et si 50% des personnes votaient blanc, comment on ferait? La question, elle est déjà là, c'est-à-dire que les personnes qui sont élues, elles sont pas du tout représentatives d'une majorité de la population. Elles sont représentatives d'une minorité, voire d'une extrême minorité. Et en plus, les gens, quand ils votent, pourquoi ils votent? Parce qu'ils se sentent actifs, parce qu'ils y croient. Alors que, dans la réalité des faits, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent un bout de papier dans une urne avec le nom d'un, d'un gars qui va représenter comme ça au niveau visuel un parti ou soi-disant des idées. Les idées qui sont mises en place, enfin pour lesquelles on a voté pour la personne ne sont pas mises en place, voire des idées inverses sont mises en place. Je veux dire, pour moi, l'élection comme ça d'un parti ou d'une personnalité, parce que c'est un peu les deux quoi, ne marche plus du tout aujourd'hui. Dans l'idée, ça pourrait marcher, mais dans la réalité des faits, c'est pas ce qui se passe. Et pour moi, du coup, la question, c'est pas la question de droite ou de gauche ou de telle ou telle personnalité, c'est kiff-kiff. Moi, j'ai pas spécialement peur, si on prend, parce que c'est toujours cet exemple-là qui revient, de que l'extrême droite aille au pouvoir. Je veux dire, là, on est soi-disant sous un parti de gauche, faut pas trop la différence. Oui, ça empire, mais ça empire parce que c'est le cours de l'histoire, ça empire pas parce que ce sera telle ou telle personnalité. Enfin. Là, on a bien vu, les deux derniers présidents qu'on a eus, c'était droite puis gauche. Personnellement, je ne me sens pas mieux sous l'un ou sous l'autre. Et c'est la même politique, voilà. Et du coup, pour moi, le vote blanc, il n'aurait, enfin, je réponds non à la question qui a été posée là dans la boîte, au sens où il ne pourra pas être pris en compte de la même manière que les votes non blancs, les votes, ne sont pas prises en compte. Enfin, quand il y a 50% de la population qui s'abstient au centre, qui ne vote pas, c'est pas pris en compte, on s'en fout. Donc pour moi, de la même manière qu'on s'en fout du vote en tant que tel, et donc du vote blanc aussi. C'est le système général, c'est pas la question du vote blanc, pour moi c'est le système général qui fonctionne pas. Je rappelle également que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Donc, on ne sait pas si ça fait 50%, 40%, 60%. Ça peut être plus. Tandis que de ne pas aller voter, on sait combien ne va pas voter. Oui, mais ça, il faudrait peut-être changer. C'est au niveau du vote blanc qu'il faut le changer, de manière que le vote blanc soit reconnu. D'ailleurs, j'avais entendu parler d'une proposition ici nuit debout qui consistait à dire que au-dessus de certains quorums de vote blanc, pendant 50%, on refaisait l'élection avec d'autres candidats. Alors c'est évidemment toujours dans la démocratie représentative, peut-être ce sera les mêmes partis, peut-être même si c'est d'autres candidats, donc peut-être qu'il y a un problème structurel qui n'est pas résolu, mais ce serait peut-être une amélioration par rapport au système actuel, déjà, de prendre en compte le vote blanc, mais que ça a un effet concret après. Pas simplement de dire qu'il y a eu 45%, 50%, 50% de vote blanc à une élection, et après, bon ben voilà, c'est tout. Non, qu'est-ce qu'on fait s'il y a plus 50% de vote blanc? On recommence l'élection avec d'autres candidats, par exemple. C'est une proposition que j'ai entendue à nuit debout et qui est pas mal, moi elle me plaît pas mal, voilà. Moi, je te rejoins sur le fait que oui, ce serait très bien de prendre en compte le vote blanc. Et il y a eu des propositions là-dessus. Normal, je sais qu'il y a une commission vote blanc à Nuit Debout qui propose des candidats blancs. Donc, si vous vous renseignez sur le sujet, enfin, c'est une solution. Mais je pense qu'il faudrait aussi prendre en compte l'abstention dans le sens où une élection qui présente moins de 50% des votants qui vont vraiment voter, enfin, de ceux qui peuvent voter, donc qui vont voter, ne devrait pas être mené à bien parce qu'il n'y a pas assez de votants de base. Merci, je voudrais rectifier ce que dit monsieur. Le vote blanc est comptabilisé en France avec les nuls. Hein, quand on dit qu'il n'est pas comptabilisé, c'est qu'on ne compte pas d'un côté le vote nul, par exemple des bulletins déchirés ou rayés, et de l'autre côté un bulletin blanc. On considère que c'est la même chose. D'où la difficulté d'ailleurs de donner une signification au vote blanc. Parce qu'on peut avoir des gens qui votent blanc parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de candidat assez à gauche pour eux, ou pas assez écologiste, ou pas assez ceci, ou pas assez cela. Et ajouter, si vous voulez, comptabiliser ensemble les votes blancs, ça me paraît assez étrange. Ça me paraîtrait assez étrange. Et puis, moi, je voulais répondre aussi à ce que vous avez proposé au niveau de la comptabilisation du vote blanc et de refaire des élections si elles sont majoritaires, pour moi, tout pareil, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce que c'est en partie ce que peuvent défendre les personnes qui ne votent pas, ce qu'elles disent, moi, même si je vote blanc, ce que je veux qu'il se passe, si c'est pris en compte, c'est pas qu'on refasse des élections au milieu du même système, avec les mêmes personnages, on s'en fout de leur figure ou leur nom, même si, imaginons, il y a 90% de votes blancs. Du coup, on dit, on refait des élections. Ouais, mais bon, on refait des élections avec... Avec quoi? Avec... Yeah. Ok, merci. On refait des élections, mais ce sera toujours avec les mêmes partis, les mêmes personnes au milieu de ces partis, même si c'est d'autres gens, ce sera les potes d'eux, les machins d'eux, même si on les connaît pas. Enfin, ça restera toujours ce même gros moule. Donc pour moi, ce serait un peu comme si on mettait un petit sparadrap sur une hémorragie. Pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment changer tout le corps, quoi, et pas juste couper l'hémorragie. Du gruyère dans la pâte à pizza, de la pizza dans la pâte à gruyère. Enfin, je veux dire que tout ça et ceci et cela. Moi, c'est la première fois que j'ai pas envie d'aller voter, quoi. J'ai 52 balais, donc je suis très fier de pouvoir voter parce que c'est ça la France, c'est d'avoir le droit de voter et de croire qu'on est libre. Ben, je suis très dans la merde, en vérité. Donc s'il y en a certains qui peuvent me parler à côté, en me disant « fais ton choix, camarade », voilà, moi je n'y crois plus. Donc quand tu n'y crois plus, qu'est-ce qui se passe? À part la révolution, qu'est-ce qui se passe? Comment changer le monde? Pierre Vassiliou est mort, ok? Bachung est mort, on oublie. Alors, en parlant des votes blancs, s'il y a des votes blancs, il faut refaire des élections. S'il faut refaire des élections, il faut mettre d'autres personnes en place. Mais les autres personnes qui seront mises en place, ce sera les personnes des mêmes partis. Ce qu'il faudrait, c'est d'autres partis. Non. Moi, ce que je veux dire, c'est que si on fait une élection là, s'il y a une élection, qui c'est qui va se présenter? Vous allez avoir la droite, vous allez avoir la gauche, vous allez avoir le Front National et vous allez avoir l'extrême gauche. Vous votez pour qui? Moi, je suis d'accord avec aucun de ce qui se présente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui se présente, qui ait un programme sensé, cohérent, et pas forcément en adéquation avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Justement, qui soit en adéquation avec ce que veut le peuple, et non avec ce que veut la personne qui se présente. C'est tout. On est là tous pour des raisons bien précises. Moi, je suis là en partie parce que je ne suis pas absolument pas d'accord avec le pouvoir en place. Avec les deux pouvoirs en place, les deux derniers, j'ai pas été d'accord. La dernière élection, je suis arrivé devant le bureau de vote, j'ai mis mon bulletin, j'ai pris ma carte, quand on me l'a tamponné, je l'ai déchiré. C'est moi que ça concerne. Mais si les gens réagissaient comme ça, les gens qui sont devant les urnes, il y a toujours quelqu'un de représentatif au niveau politique, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Les gens, c'est déjà la puce à l'oreille, hein, sans doute. Hein. Mais... Sans doute quelque part. Oui, tout à l'heure, j'ai bien dit que ça ne changerait pas le système. C'était une proposition d'amélioration du système très concrète. C'était pas du tout pour changer le système. Pour changer le système, c'est pas en comptabilisant les votes blancs que changera le système, ni les partis, ni les candidats qui seront en place. Parce qu'on peut avoir d'autres candidats, s'ils sont du même parti, ça ne changera pas le problème. Là, on est entièrement d'accord là-dessus. C'est simplement une proposition d'amélioration concrète qui me paraissait être intéressante pour éventuellement les échéances électorales à venir. Puisqu'on va quand même en avoir après, on peut aussi ne pas les voter si on n'est pas d'accord et boycotter l'élection tout simplement, c'est aussi tout à fait défendable comme position. Voilà. Moi, j'aimerais bien revenir sur un truc, c'est que tout à l'heure, on a parlé du vote blanc et on a parlé aussi de l'abstention. Mais le problème de l'abstention, on le compte, mais il y a plusieurs types d'abstention. Il y a ceux qui s'abstiennent parce que ils sont contre le système ou autre. Il y a ceux qui s'abstiennent parce qu'ils en ont rien à foutre. Et il y a ceux qui s'abstiennent parce qu'on leur dit, par exemple, je sais que moi, jeune... je peux pas voter parce que je suis pas encore majeur, mais je sais que les jeunes de jusqu'à 25 ans, on nous a souvent entendu dire que, enfin, on n'est pas concerné par la politique. On dit tout souvent ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent souvent ça. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de gens, du coup, ils vont ils vont s'en foutre, ils vont finir par s'en foutre, puis ils vont finir par croire les gens. Et je pense que ça, c'est aussi un problème. La vision que les gens, ils ont des jeunes aussi. Ouais, bah, ce que tu dis, c'est un vrai problème, quoi. Que ce soit les personnes âgées ou les enfants, il y a plein de gens, voilà, ils sont discriminés par rapport à leur vote. Et voilà, quoi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport au vote blanc. Moi, franchement, je comprends pas non plus ça. Moi, je trouve c'est stylé que le vote blanc, il soit pas comptabilisé. Parce que comme ça, ça fait plus de vote blanc avec l'abstention. Parce qu'à la rigueur, si tu veux voter blanc, pourquoi te faire chier à aller voter? Et donc, comme ça, c'est plus facile. Ça rend le vote blanc plus facile, tu vois ce que je veux dire, par rapport à l'abstention. Genre, imagine, tu veux voter blanc, genre, t'es fatigué, t'as un truc à faire, bon, tu le sens pas, tu vas pas voter. Et genre, ça sera pas comptabilisé, ça sera comptabilisé dans le grand tout de l'abstention. Donc, je trouve que c'est mieux, ça donne plus de poids au vote blanc, parce que sinon, il y en aura, ils auront la flemme d'aller voter blanc, et puis ils vont pas voter blanc. Et donc voilà, moi, je trouve que c'est notre force, au contraire, que le vote blanc, il soit pas comptabilisé, ça fait plus de voix, abstention, vote blanc, tout ça, c'est la même merde, et voilà. Bon, je voudrais dire que on est régi par une constitution, on est régi par les règles de la Ve République, et que vous le vouliez ou non, quand vous votez, l'action que vous menez, c'est aussi pour la réglementation, les forces de police, l'armée, et vous êtes soumis à ce genre de choses. Moi, je vais donc voter au premier tour, parce que peut-être je trouverai un ou une candidate qui aurait peut-être mon choix, mais il se trouve qu'il y aura un deuxième tour. Et ce deuxième tour, on va me dire, eh bien voilà, vous allez voter pour la peste ou le choléra. Et j'aimerais bien que le troisième, que la troisième voie, qui est le vote blanc là, et qui est un vote blanc significatif, il veut dire que les deux candidats que cette institution a retenus, je n'en veux pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient du premier tour me plaisaient beaucoup, mais il y en a certains, ils vont faire des scores microscopiques. Et pourquoi? S'ils me plaisent. Mais ils ne seront pas retenus. Ce seront les deux qui vont être les deux coursiers qui ont fait la meilleure course en tête au premier tour qui vont se présenter. Et moi, j'irai voter. Et j'irai voter blanc. Je le sais déjà. Et ce vote blanc, je n'admets pas qu'il ne soit pas comptabilisé. Parce que j'ai fait l'effort de dire « je vote » parce que dans cette institution dans laquelle je vis et qui régimente ma vie de tous les jours, c'est eux qui décident pour moi, c'est eux qui vont décider après de ce que sera le pays dans lequel je vais vivre. Et je ne veux pas de ce pays-là. Et pourtant, on va dire « ben, il s'est abstenu, il n'a pas été voté ». Ce n'est pas du tout pareil. S'abstenir, c'est dire je vais à la pêche et je m'en fous de ce qui se passe. Et je subis. Mais moi, je m'en fous pas. Donc moi, j'essaye d'expliquer une idée, mais c'est encore un peu brouillon dans ma tête. Donc je vais le faire le plus clair possible. Mais donc en fait, pour moi, il y a une différence entre aller voter, même si on vote blanc et pour un parti, et ne pas aller voter. Et je me disais, pour redonner du poids justement à ceux qui vont voter et qui essaient encore un peu de s'intéresser à la politique, c'est de mettre en place un système de citoyens actifs et citoyens passifs. Dans le sens que si on va voter, même que ce soit blanc ou quoi ou qu'est-ce, on peut dire qu'on est un peu impliqué dans la vie politique du pays. Et du coup... Enfin, ce serait hors des candidats, en fait. Ce serait justement pour redonner du poids à cela. Et je pensais à créer une sorte d'émission télé ou un truc sur une vidéo, en fait, de débat. Et dans lequel chaque donc citoyen actif est, du fait d'être allé voter, un temps de parole à distribuer. Donc je sais pas du tout comment on pourrait mettre ça en place. Mais enfin, il doit y avoir des gens qui recensent, à mon avis, les personnes qui ont voté et celles qui n'ont pas voté. Et donc dire que pour le quinquennat qui va venir, si tu n'as pas voté, tu ne fais pas partie des citoyens actifs. Et donc, tu n'as pas de temps de parole à redistribuer pour les prochains débats qui vont être organisés. je sais pas, enfin pour moi je le voyais à la télé parce que c'est vraiment un lieu national en fait, on va dire que c'est diffusé partout en France et mettre en place une plateforme internet en fait dans laquelle on va poser une question pour justement que les citoyens soient quand on voit à la télé le débat qui intéresse les Français en ce moment, très souvent moi je me sens complètement étrangère à ces questions et justement avoir cet espace où on se dit voilà là c'est nous qui allons mettre en place les débats et qui allons choisir quels intervenants et combien de temps ils vont avoir la parole pour débattre. Enfin voilà, c'est une idée comme ça à développer. Et je sais pas si tout le monde comprend un peu l'esprit. Bonjour mes petits oiseaux, parce qu'il y a deux races, la race des oiseaux et la race des idiots. Et alors pour vous dire, vous rêvez bien, parce que les financiers nazis ne vous laisseront pas du tout améliorer le système, faire avoir une des médias, ni rien. Là, nous sommes à la fin d'un cycle et ce que nous devons faire, c'est réussir l'arrêt de la consommation 15 jours comme les Tchèques l'ont fait, faire imploser le système nazi financier, parce que 15 jours, 60 millions qui n'achètent pas même un cure-dent, et qui mangent la maison des pâtes et deviennent très musclés au bout de 15 ans, comme les footballeurs. Et ils vont travailler parce qu'il ne faut pas perdre un sou. Et nous gagnerons. Tandis que là, c'est le rêve absolu, comme si vous étiez il y a 15 ans. Comme si vous viviez il y a 10-15 ans. C'est terminé cette période. Donc réfléchissez comment nous pouvons nous organiser pour convaincre les vieux avec les gros ventres d'accepter cette démarche. Voilà. Moi j'ai dit la dame elle a grave raison parce que c'est vrai genre en une semaine ça serait plié hein. Si tout le monde faisait la grève générale ça serait plié et le gouvernement il serait à genoux. Et par ailleurs par rapport à ce que la demoiselle elle disait, moi je trouve ça grave discriminant. On peut pas faire les gens ils votent pas, c'est pas les mêmes gens, ils ont pas les mêmes droits, non. Et oui, pour le quinquennat entier en plus, non, c'est vraiment discriminant. Déjà, tu sais pas si la personne a eu des soucis. Et quand bien même, si elle a pas envie de voter, elle a pas envie de voter, quoi. Parce que je veux dire, on dit, ouais, t'es pas un citoyen actif. Et après, il y en a d'autres qui disent, ouais, moi je m'implique parce que je vote. Mais en vérité, c'est pas toi qui as choisi ce système de vote. Donc déjà, quand tu votes, que tu votes blanc, tu acceptes ce système. Et après, tu t'étonnes, il y a toujours les mêmes partis, patins, coupas. Forcément, c'est une sorte de mécanique qui s'engraine. Et donc, tu peux pas dire, ouais, tu votes pas, t'es pas un citoyen. C'est pas ton élection, c'est l'élection de la 5e République telle qu'elle s'est instituée. Et si tu votes pas, c'est pas pour autant que tu n'es pas engagé politiquement. Ça n'a aucun rapport avec le débat, mais il y a le camion de la logistique qui vient d'arriver et ils ont besoin d'aide pour le décharger. Donc s'il y a des personnes qui veulent aller les aider, il faut suivre la mademoiselle en noir qui est là. Voilà, désolé. Donc je me présente, j'ai participé à une commission issue de Nuit Debout et la commission en question est en train de réfléchir très sérieusement au développement d'un paper, pas les Miami Papers, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, alors on a besoin de gens qui ont des articles à pondre, qui reflètent leur expérience, leur appréhension de la vie. Tels qu'ils la vivent, avec des mots simples que peuvent comprendre les gens qui liront ce journal, qui sera issu de Nuit Debout, qui n'est pas une émanation de Nuit Debout, mais quand même important. Et on se réunit à la Bourse du travail à 19h. Bon, il n'y a pas de convocation, hein. Ça se fait par téléphone. Moi-même, j'avais laissé mon téléphone et on m'a contacté parce que j'avais laissé un slogan. On m'a rappelé et puis comme ça, je suis revenu Voilà, il y a déjà eu plusieurs réunions. Il y en aura d'autres. Il y a des réunions d'organisation, il y a des réunions pour le journal. Et je pense que, pour revenir à ce qui était dit sur le débat au point de vue vote, moi, j'ai aux dernières élections régionales, hein, j'ai voté à l'extrême gauche et au deuxième tour, j'ai voté blanc. Je dis pas que c'est la solution. Je dis pas que c'est la solution. Je ne dis pas pour qui je voterai au premier tour, parce que franchement, je le dis après. Hein. Ah, ben voilà, j'ai cette habitude de garder mon indépendance. Parce que si on se fixe dès maintenant, hein, vous comme moi, on va voter blanc au deuxième tour, eh ben quoi, où est le débat? Ça clôt le débat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, bonjour. Je suis une vieille barbe, un vieux monsieur, mais j'ai vu pas mal de choses. Et j'ai écouté tout ce qui se disait sur le vote blanc notamment. Et je voudrais faire une remarque toute bête. Vote blanc, abstention, le résultat c'est toujours le même. À savoir que les gens qui sont élus, au premier tour, ils ont des pourcentages de voix qui sont souvent peu représentatifs par rapport au nombre d'inscrits, c'est-à-dire par rapport à la population. Au deuxième tour, on arrive à des pourcentages de votants de l'ordre de 40-45%. Ça veut dire que celui qui est élu, il est représentatif de 20% de la population. Je veux dire, en dehors du fait qu'on vote blanc ou qu'on s'abstienne, le fait de ne pas avoir voté, tout simplement, de façon exprimée, fait que ceux qui sont élus ne peuvent pas prétendre avoir une vraie représentativité. Donc, que ce soit abstention ou vote blanc, rappelez-vous que vous marquez toujours le fait que ceux qui vont être élus ne seront pas représentatifs. C'est un aspect important des choses, à mon avis, et c'est un aspect très sérieux. Le système, vous avez beaucoup parlé de système, mais dans toutes les sociétés, il y a un système. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec le système, mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer le système, on veut en mettre un autre. Le problème étant que dans une société, le système, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec le système qui est en place. Quand le système déraille, excusez-moi, et ça arrive fréquemment et actuellement en particulier. Évidemment, on se dit il faut changer le système. Moi, je vous écoute. Ça fait plusieurs fois que je viens, plusieurs nuits. Je suis un vieux monsieur, j'écoute beaucoup. Je n'ai pas entendu évoquer un nouveau système. J'entends beaucoup de protestations après le système existant et Dieu sait s'il le mérite, mais je n'entends pas quelque part que l'on me dise voilà comment on voudrait que la société fonctionne. Que l'on me dise qu'on veut que chacun puisse donner son avis, ok, mais au bout, on ne pourra pas faire ce que veut chacun, on ne pourra faire que ce que veut une majorité, sinon ce ne sera pas une démocratie, vous la dénoncerez vous les premiers. Comment fait-on pour avoir un nouveau système, un système satisfaisant? C'est cela que je voudrais entendre ici. Voilà le système que nous proposons, voilà comment nous voudrions que les décisions soient prises et qu'elles soient effectives, qu'elles fonctionnent. Il y a quelque chose, monsieur. Bon, ben moi, je dis qu'une chose. Hein. De toute façon, même si on vote ou pas, moi je pense que pour moi, bon, si on veut mettre un papier dans l'urne parce qu'il y a un petit tampon sur la carte ou alors... Mais je pense que pour moi... Eh bien, même si on a voté après, on ne doit pas s'endormir sur les lauriers. Or, d'après ce que disent, voter, puis après, tout ira bien. Non. Permettez-moi de dire une chose. La vie, ça a toujours été une lutte. Même si on a voté, on ne doit pas rester sur les lauriers. Regardez ce qui se passe en ce moment. On est en train de... Ça bouge partout, là. Hein? Et puis le gouvernement, même que ça soit gauche ou droite, là, il essaye de faire passer sa loi. Ça nous plaît pas, ben c'est les coups de matraque sur la gueule, comme on a ou un caméraman à Nantes qui s'est fait taper dessus, parce que bon ben moi je dis voilà, votez si vous voulez, mais c'est pas parce qu'on a voté qu'on doit dormir sur ses lauriers. Il va falloir la vie c'est une lutte, hein. Ça tombe pas comme ça du jour au lendemain, olé olé, ça c'est trop beau. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Ah oui, parce qu'entre ce qu'il propose et l'autre, regardez M. Hollande, qu'est-ce qu'il a proposé, puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, et on le voit en Grèce, et on le voit partout, et ça a manifesté, puis ça ne fait rien. Alors c'est la logique capitaliste, là. C'est même plus les chefs d'État parce qu'ils gouvernent, c'est presque les multinationales et les trucs comme ça. C'est ça l'heure actuelle qui est en train de gouverner. Bon, voilà. Pour répondre à la personne qui disait qu'on propose pas de solution, etc., c'est pas facile en même temps d'en trouver. Moi, franchement, j'avais une idée, j'en ai déjà entendu parler et tout. Il y a des. Je sais pas si ça s'est fait, mais l'idée de faire des référendums. Enfin, au lieu de d'élire une personne, faire plusieurs référendums. Je pense que c'est. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Voilà. Oui, non, mais je ne veux pas jouer à question-réponse, excusez-moi. Mais un référendum, ça coûte 22 millions pour l'organiser. Donc si on fait un référendum tous les 8 jours, je ne sais pas qui va payer. Hein ? On passe à... Alors, on va devoir passer à la prochaine intervention. Donc juste avant, en réponse à plusieurs questions, je vais lire une partie d'un texte que madame m'a demandé. Voilà ce que nous demandons. Monsieur, apparemment, c'est aussi pour vous. Bon. Voici ce que nous demandons. Une assemblée générale dont les membres seront tirés au sort parmi tous les citoyens. Le mandat de ces personnes sera de 6 mois. Au bout de ces 6 mois, ils retourneront à leur activité précédente et seront remplacés par de nouvelles personnes. Qui peut contester cette vraie démocratie ? Deuxième point. Cette assemblée décidera de se débarrasser de ce système financier inutile et qui tue. Troisième point, la sortie de la monnaie unique européenne. Nous voulons des monnaies nationales et souveraines et une monnaie commune pour les échanges entre États européens. Quatrième point, sortie de l'OTAN tout de suite, sans discours inutile. Alors, je suis désolée, je vais vous y répondre. Je vous laisse. Oui, je ne vais pas discuter sur tout le reste, juste sur le premier point. Comment organisez-vous le tirage au sort des gens qui sont désignés pour aller représenter le peuple à l'Assemblée nationale? Comment faites-vous pour une personne qui vient d'être désignée et qui tient une épicerie, ou qui a un commerce, ou qui travaille chez un patron, peu importe, comment faites-vous pour l'envoyer à Paris? Comment le faites-vous vivre à Paris? Sur quelle base définit-il les lois? Comment sont fixées ces lois? Comment sont-elles mises en œuvre? Par qui? Par quel système et par quel dispositif? Tout ça est bien expliqué dans la Commune de Paris de 1871. Et vous qui êtes si éduqués, lisez dans les bibliothèques comment ça a été fait. Ça a été fait si bien que j'ai filmé plusieurs films, j'ai fait. Et de toute façon, les gens, les petits commerçants, les artisans, tout le monde s'organisait si bien qu'après, Versailles est venu les tuer. Et 30 000 on a tué, et il y a eu en Bulgarie des gens qui se sont sauvés, et on appelait mon père communard à 15 ans, d'accord? Mais vous savez, vous faites 5 guerres là, en Afrique, vous, les tueurs, et vous nous envoyez ceux que vous tuez à les recevoir. Basta! Alors, on va devoir s'arrêter là pour passer à l'intervention suivante. Je voulais juste préciser, effectivement, pour toutes les personnes qui passent ici, que là, on faisait une boîte à questions, mais que, notamment ici, mais comme certainement dans plein d'autres endroits, soit éducation populaire, soit dans d'autres commissions, il y a plein de gens qui interviennent, pas seulement justement pour dire « ça suffit, on en a marre », ou ça c'est naze, mais qui propose des choses à tous les niveaux, hein, je sais pas, éducation, écologie, politique et bien d'autres, et qui vraiment qui propose des choses qui sont mises en place, des systèmes qui fonctionnent, qui sont déjà actifs et qui peuvent être des solutions. Et puis de toute manière, je pense que si on a ce débat actuellement, tout à l'heure il y a un monsieur qui est passé pour dire que si on votait, c'est pour croire à notre liberté. Je pense que le mot croire est très important parce que finalement c'est, si on est là, c'est aussi que manifestement ça marche pas bien, et s'il y a autant de répression policière, c'est que ça doit les déranger quand on pense justement.